le vent emporte ta vie. Demain peut-être tout sera fini. Seuls les carrés de la vie de la nuit, quand s'injectent tes produits, ils s'évadent, ils se replient, se déchirent et se maudit. Il est tout seul et sans abri. Mauvais départ, route mal choisie, trop peu d'amour et mal compris. Écorché vif un peu aussi, il se fait tard et tu as tout dit. Mauvais départ, route mal choisie.